vie chère. Soit 3,78€ le litre. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Lorsque vous êtes gérant d'une entreprise, chaque journée est un nouveau défi. Entre les rendez-vous clients et les problèmes de photocopieuse, pas le temps de passer des heures à consulter des CV. Et c'est là qu'Indeed entre en scène. Lorsque vous publiez votre offre d'emploi sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50€ offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Cuir Center. Vous préférez un canapé irrésistible, un canapé à prix irrésistible ou les deux ? Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en cuir à 1290€. 1290€, irrésistible. Cuir Center. Modèle Lagos, prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce que le forfait 60Go sans engagement est à 9,99€ par mois, à vie, au lieu de 18,99€ par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la Maxi Remise Box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à la Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60Go à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres Box et Mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre Box. Voir conditions sur lapostemobile.fr. Et si l'élégance était éternelle ? DS Automobile présente DS3 Forever. Avec son toit monogrammé DS, ses projecteurs DS LED Vision, sa boîte de vitesse automatique avec palette au volant et sa navigation connectée sur écran tactile, cette citadine produite en France est à la pointe de l'élégance. DS3 Forever, le style est éternel. Jusqu'au 30 novembre, pour l'achat de DS3 Forever, DS Automobile reprend votre véhicule 3000€ au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr. Il est 7h30, c'est le double expresso RTL2 avant LSD. Voici vos infos avec Raphaël Thomas. Ben bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Recherche suspendue à Marseille. De nouveaux immeubles menacent de s'effondrer dans le quartier où trois bâtiments se sont écroulés lundi, faisant au moins 6 morts. Ils doivent être démolis par mesure de sécurité. Du coup, les opérations de déblayage ont été interrompues pour 24 heures. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les riverains dénoncent l'insalubrité de l'habitat. Hier soir, une centaine de militants se sont rassemblés pour dénoncer le mal logement. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, s'exprimera en fin de matin. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, il n'y a pas eu de victime, mais là aussi, un immeuble s'est effondré hier soir dans le centre-ville. C'est une occupante qui a donné l'alerte avant de quitter les lieux. Une enquête a été ouverte afin de déterminer s'il y a eu mise en danger de la vie des habitants. Une journée de lutte contre le harcèlement scolaire. En France, environ 700 000 enfants ou ados en sont victimes, soit 6% des élèves. Cette année, le gouvernement veut mettre l'accent sur la cyberviolence et en particulier sur le chantage à caractère sexiste ou sexuel via la diffusion d'images intimes. Il touche essentiellement les collégiennes âgées de 12 à 15 ans. Un numéro d'écoute national a été mis en place. Il s'agit du 30-20. Il permet également de faire des signalements. L'enquête sur le chantage à la sextape de Mathieu Valbuena est-elle valide ? La justice doit trancher aujourd'hui. Un policier infiltré pourrait avoir outrepassé son rôle en jouant l'un des intermédiaires entre le footballeur et ses maîtres chanteurs. Karim Benzema, qui est mis en examen dans cette affaire avec 5 autres personnes, espère l'annulation de la procédure. Sur le terrain maintenant, occasion gâchée pour Lyon hier soir en Ligue des Champions. Et oui, alors qu'il menait de 2 points, l'OL a finalement terminé sur un nul de partout à domicile face à Hoffenheim lors de la 4e journée. Le club est toujours 2e de sa poule derrière Manchester City, qualifié pour les 8e. Et puis le retour de Nicolas Anelka, 39 ans, il reprend des fonctions officielles en France. Lille l'a confirmé hier. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de Chelsea devrait encadrer les jeunes de centre de formation du LOSC. Enfin, en voile, pas de changement sur la route du Rhum. François Gavard est toujours en tête de la course. Il est suivi de près par Francis Joyon. Ça, c'est le Rhum, ça. Oui, trop de Rhum hier, ça. La météo, dans la matinée, la grisaille dominera de la vallée de la Garonne au pays de la Loire. La perturbation d'hier, elle va s'évacuer par le sud-est du pays, avec encore des averses sur l'est de la vallée du Rhône et sur la Corse. L'après-midi, le temps restera plutôt agréable avec une alternance de nuages et d'éclaircies, même si le ciel restera parfois bien voilé et accompagné de quelques gouttes dans le Finistère. Dans la soirée, une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne. Il pleuvra aussi sur les Cévennes. Les températures ce matin, 5 degrés à Laval et à Bergerac, 6 à Cabourg, 9 à Thionville et à Lyon, 10 à Boulogne-sur-Mer, 14 au Lavandou et à Aléria. L'après-midi, on attend 12 à Paris et Dijon, 13 à Quimper et 16 à Narbonne. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. One more man is enough. But if you got it all, LSD emmené par la voix de Sia, Thundercloud sur RTL2. RTL2, la chanson du jour. Une chanson du jour que j'aime particulièrement aujourd'hui. Ah bah tu vois, oui. J'ai vu que t'as vu par-dessus mon épaule. J'aime bien la massier pour toi, mais là t'as regardé. Oui. Voilà, regardez. Bon, on part aux États-Unis avec Jennifer Scoggins. Là, vous dites, mais qui est Jennifer Scoggins? En effet. Alors, dites-moi qui est Jennifer, Scoggins. Son vrai nom de scène, du coup, c'est Jennifer Page. Voilà, vous la connaissez mieux sous là, ce nom-là. Là, tout de suite, ça nous parle. Eh ben voilà, on part à Marietta, en Géorgie, aux USA, où elle est née. Elle a quand même 6 albums à son compte, mais un seul tube. Mais quel tube? C'est le morceau Crush, que vous avez forcément entendu déjà sur RTL2. Vous allez me dire, il n'y a qu'un seul tube, c'est mieux que zéro. Je vous l'accorde. Il y en a qui sortent 6 albums et qui en font jamais un. Là, c'est un tube interplanétaire. On est en 98 sur l'album éponyme qui s'appelle donc Jennifer Page. C'est une chanson complètement autobiographique qui raconte. Alors, le sujet est léger. On va pas se mentir. Je ne vais pas en faire 12 minutes parce qu'il n'y en a pas 12 minutes à faire dessus. Qui raconte les expériences amoureuses de Jennifer Page de manière un peu furtive, ses petites observations de la vie. Elle était toute gamine à l'époque, 23 ans, vous imaginez bien. Hein. Non, mais puis ça arrive à tout le monde. Ça va, ça parle à tout le monde. Exactement. Du coup, elle nous raconte ça. Et alors, pour l'anecdote, ça fut évidemment un énorme succès, numéro 1 partout dans le monde. Et la première fois que Jennifer Page a entendu cette chanson à la radio, elle était au téléphone avec sa maman et elle s'est mise à hurler et sa mère a failli appeler le 911, les secours américains, parce qu'elle a cru qu'elle faisait une attaque. Alors que pas du tout. Allez, écoutez ça. Jennifer Page, Crush sur RTL2. C'était ma chanson du jour dans le Double Expresso Crush. Pour vous dire que c'est un tube, même Jonathan O'Donnell connaissait cette chanson. Même lui. Et oui, c'est pour vous dire. Et pourtant, la musique et lui, waouh, c'est compliqué. On joue dans quelques secondes, hein, Justine. On joue au jeu de la banque. Appelez-nous au 3228 pour jouer avec nous. Sinon, vous envoyez le mot banque au 74900 par SMS. Et on écoutera le nouveau Muse sur RTL2. Lorsque vous écoutez Kin, vous êtes sur RTL2. Coldplay. C'est le son pop rock RTL2.

7h45, c'est le double expresso RTL2. On est ravis de vous accompagner. Ça va, Justine? Oui, et toi, Greg? Ça va très, très bien. On a des séjours au ski à Rizoul à vous offrir. On a des tablettes, des concerts, des vacances et surtout jusqu'à 10 000 euros à gagner dans la banque. Un seul numéro, le 3228. Passy Muse, leur nouvel album sort demain, Dove Contagion, sur RTL2. Fragments and scattered debris. Fall down alone, went to count it out. Pop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. Ils seront demain les invités du Drive pour fêter la sortie de leur nouvel album. C'est l'heure de la banque RTL2. Et c'est avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour Grégory, bonjour Justine. Coucou Christine. Amie rémoise, vous nous écoutez sur 100.1. Et puis surtout, il faut que toute la France pop rock le sache. Christine, est-ce qu'on appelle dans le métier, parce qu'on est entre sportifs de très haut niveau et Christine, évidemment, vous êtes une descendeuse Christine. Vous êtes la reine du VTT. Ah oui, ça, nos VTT, c'est mon joujou préféré. Ça, vous en pratiquez? On s'amuse pleinement. Tous les jours, tous les week-ends? Ah ben, tous les week-ends, ah oui, wow. Ça c'est sûr. Hein, l'été, c'est quasiment tous les jours. On recharge les batteries, aussi bien humaines qu'électriques. Ah, mais attendez, vous avez des batteries? Oh là, mais c'est pas la... Non, attendez, moi, c'est à la force du mollet, là. Attendez. Ah, mais il y a aussi le mollet obligatoire. Ouais. Obligatoire. Bah, je vous vends comme une... Je vais prendre en photo mes mollets, hein. Ah oui, bah, envoyez-moi une photo de vos mollets. Tiens, bah, voilà, on va faire ça et on les postera sur la page Facebook. Les mollets de Christine. Voilà. Complètement absolu. On va vous offrir peut-être un séjour au ski, 10 000 euros, plein de cadeaux. Soyez attentifs aux coffres vides, hein. Faites gaffe. Top chrono, une minute. C'est parti, bonne chance, coffre 1. Merci. Un robot pâtissier KitchenAid. 500 euros. Oh bon, d'accord. Coffre 2. Une Xbox One X. Je passe. 500 euros. Alors, on repart. Elle veut des mollets. Coffre 3. Oui, j'ai compris. Un lecteur DVD. Je passe. Coffre 4. Une guirlande de Noël. Je passe. Je passe. Coffre 5. Un séjour pour 4 personnes à Rizoul 1850. Ah. Le ski. Ça me tente. 1100 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me tente bien, ça. C'est un très, très beau cadeau. Aussi pour refaire les mollets. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je le garde. Il reste 18 secondes. Il y a mieux, il y a moins bien, je sais pas. On prend? Je garde. Oui. Allez, je garde. Super. Génial. Pour vous, Christine, dans la plus intime des grandes stations, vous pourrez profiter des 116 pistes du domaine de la Forêt Blanche. Wow. Donc vous partirez au ski en famille dans la plus intime, je vous le disais, des grandes stations à Risoul 1850, station à d'altitude des Alpes du Sud. Est-ce que c'est pas la plus intime des grandes stations, Christine? J'aime bien cette petite phrase. Ça m'en a tout l'air. On l'a entendu 8 fois, donc à mon avis... Je trouve ça très mignon. Hey, Risoul attend vos mollets, Christine. Risoul attend vos mollets. Oui, mais... je vais les faire davantage parce qu'il en faut aussi sur les skis. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? 10 000 euros. Ah. Oh purée. C'est pas sérieux là. on s'y attendait pas non plus là. Vous avez vu le blanc que ça a provoqué? Ah. Oh. Ça veut dire qu'ils peuvent tomber à tout moment, là, si. Oh, ça me. J'en ai. Bravo, vous partez au ski, Christine. C'est pas grave.